Tu peux pas vivre au bout si t'es esclave. Tu peux pas vivre au bout si t'es esclave spirituel. Tu peux pas vivre au bout si t'es esclave de l'amour. Tu peux pas vivre au bout si t'es esclave d'une petite volonté faible. Tu peux pas vivre au bout si t'es esclave de l'intelligence qui est faite. Pour vivre au bout, faut que tu sois totalement centré. Faut que tu aies de la résistance à, au travail qu'ils font. Absorber l'énergie qui rentre dans tes gars. Puis un jour, être assez fort. Tu vas pas te battre avec un gars tant que tu t'es pas pratiqué. Fait que si vous voulez être des boxeurs, pratiquez-vous. Puis un jour, vous irez rencontrer Mohamed Ali pis vous lui casserez la gueule. Bon, mais c'est la même chose avec eux autres. On se pratique, pas on se pratique, pis c'est eux autres qui nous créent les conditions pour qu'on se pratique. Puis un jour, tu vas dans le ring avec eux autres, pis t'es knock-out. Pis quand t'es knock-out, eux autres, ils ont plus besoin de te parler. Là, t'as la tête vide, pis t'es bien, t'es en vacances tout le temps. Pis si t'as besoin de dire quelque chose à quelqu'un pour élever le niveau de conscience de l'humanité, ça passe, pis tu le dis, pis dans ta tête, y'a rien là. Tu t'occupes pas de ce que tu dis, t'es pas intéressé à ce que tu dis, ton plaisir est dans le fait que tu le dis. Pas dans le fait que tu y penses, pis t'as mijoté dessus, pis tu t'as fait de l'overtime dans ta tête. Ta tête est toujours vide, parce que tu sais que t'as toujours raison, parce que tu sais que tu peux jamais te tromper, parce que tu sais que tu peux pas penser. Pis quand tu peux pas penser, l'énergie faut qu'elle vienne de quelque part. Elle vient pas de ta poche. Fait qu'à ce moment-là, tu fonctionnes qu'avec l'énergie. Pis quand tu fonctionnes qu'avec l'énergie, quand même le monde dirait, c'est un colon, ce gars-là, il est croche, c'est pas de même. Ça change rien dans ton esprit, parce que toi, t'es pas impliqué dans ce que tu dis, pis dans ce que tu fais. Quand t'es pas impliqué dans ce que tu dis, pis dans ce que tu fais, quand t'es pas obligé de prouver rien, t'as rien à prouver, que tout ce que tu fais, c'est jaser, t'es bien, tu jases. Fait que moi, je jase. On n'est pas habitué à vivre. On est habitué à exister. On est habitué à fonctionner psychiquement, intellectuellement. Mais à fonctionner mentalement, on n'est pas habitué parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Tu ne peux pas t'habituer à ça. Tu le deviens, ça. Ça fait partie de ta deuxième peau. Quand tu fonctionnes mentalement, tu fonctionnes mentalement. Comment même que le monde sera rouge, comment même qu'il y aura 4 milliards d'habitants sans tête, tu seras tout seul, il n'y a rien là. Et quand t'es rendu qu'il n'y a rien là, là, le monde entier peut être opposé à toi en tant qu'individu, là t'es bien maudit. Là t'es bien. Tout le monde est fou, mais pas toi. Même si tout le monde te dit que t'es fou, toi tu sais que t'es pas fou, fait que t'es bien maudit. Mais faut être centrique. Faut être centrique pour savoir qu'on n'est pas fou. Quand tout le monde est fou. Vas-y, vas-y. Tu peux pas toujours douter de ta sanité, pis toujours douter de ce que tu sais pis ce que tu sens. Tu peux pas toujours douter de toi-même. À un certain moment, faut que tu doutes plus. Parce que t'es plus capable. Parce que t'as combattu contre eux autres pis t'as gagné des épaules. Ils vont toujours t'appuyer après. Ils vont toujours dire, toujours raison. Écoute, t'es rendu avec eux autres, tu travailles sur de l'autre part, tu viens de plus haut qu'eux autres. Tu viens membre de la même équipe, tu peux pas travailler en bas. Tu travailles d'énergie. Les catégories, les statuts sociaux, les statuts cosmiques. Si t'arrives à la même égalité qu'eux autres, tu as le fort, mais tu fais qu'est-ce que tu as à faire? C'est pas une affaire d'égalité, c'est une affaire vibratoire. Ouais, c'est ça. On a mystifié l'invisible, on a mystifié les mondes spirituels, on a mystifié les mondes de la lumière. On les a mystifiés parce qu'on pense. Puis on les a mystifiés parce qu'on emploie des mots pour les déterminer, pour les définir, pour les situer. On les a mystifiés. Mais quand t'es voué face à face, c'est un autre pain de mort. Il n'y a absolument rien là. Alors, ce que je veux dire, moi, c'est que tout dépend de... Eux autres, ils t'imposent des expériences jusqu'à temps que t'arrives... Jusqu'à temps que t'es démystifié. Ouais. T'arrives, tu vois qui c'est, là, tu commences à faire le travail. Et là. Mais le travail est décidé au-dessus de nous autres. Le travail, ça fait partie de leur activité, leur mouvement dans le cosmos. Ouais, tout est à ton travail, puis eux autres, ils ont leur travail. Mais seulement, faut qu'on les démystifie, eux autres. Faut que tu vois qui c'est. Faut que tu vois comment ça marche, cette affaire-là. Puis rien qu'une façon de démystifier l'invisible, c'est vibratoirement. Tu peux pas démystifier l'invisible spirituellement, c'est la plus grosse botte de poing qui existe dans le monde. Encore bien moins matériellement, tu tombes dans la philosophie.

Je ne fais pas d'enseignement, moi, j'instruis. Ben, le passage d'une personne à une autre personne, c'est de la charité. Il n'est plus une moins bonne heure, tu t'arranges. Comprends-tu ce que je veux dire? Je sais pas. Ce que tu fais, le temps que tu parles avec d'autres, les explications que tu lui donnes, je vais te le réexpliquer d'une façon différente. Moi, j'ai le choix. J'ai la centricité pour quisser mon cœur tout de suite. Moi, je suis capable de passer tout de suite. Tout de suite, là. Bon. Yeah. Yeah. C'est pour que vous sachiez pas si j'étais pour venir ou non. Comprends-tu ce que je veux dire, là? Non, c'est pas ça que je te dis. Je parle de moi. Comprends-tu? Autrement dit, la vibration, je l'ai créée assez juste pour que vous soyez pas sûr si j'étais pour venir ou non. Autrement dit, je parle de moi. Quand